Fanny Gautreau à Eugène Milbert. Je pense à vous et je ne pense qu'à vous. Il n'y a pas un coin de cette maison où je ne vous retrouve. J'ai mis dans ma chambre cette petite table sur laquelle nous avons dîné ensemble. J'ai toujours dans l'eau fraîche quelques branches du chèvrefeuille qui couvrent l'entrée de la terrasse de l'église. Votre amour m'entoure comme une autre atmosphère. Je passe à travers la vie sans en rien sentir. J'étais plongé dans l'amour comme le héros grec dans le Styx. Comme lui, je suis invulnérable. Votre oncle est venu et a passé la journée ici. J'ai une peine horrible à ne pas le brusquer, et je ne suis pas bien sûr d'y réussir. On a parlé de votre passage ici sans y attacher aucune importance. Je ne sais si vous êtes comme cela, vous autres hommes, mais pour nous, quand nous aimons, il n'est rien qui excite notre mépris et notre haine comme l'amour d'un homme qui nous déplaît. Il nous serait impossible de trouver plus de dédain pour un voleur et un faussaire. C'est la note la plus haute de notre gamme. Un homme qui ne nous plaît pas est le plus criminel des hommes, et si on nous eût confié la rédaction du code pénal, ce crime eût été placé entre l'empoisonnement et le parricide. Ma mère m'a fait beaucoup de reproches. J'ai jeté, en ballon perdu, quelques paroles contre ce mariage, mais elles ont été si mal accueillies que c'est un moyen sur lequel il ne faut pas compter que de tâcher d'attirer ma mère dans notre parti. Votre oncle m'a parlé des embellissements qu'il a fait faire pour moi à sa maison de Lausanne. Il m'a consulté sur plusieurs choses, et comme j'éludais de donner mon avis, pour qu'il ne puisse pas dire plus tard que j'ai jamais consenti moi-même à ce ridicule mariage qu'il a inventé de complicité avec mes parents, il a beaucoup insisté pour savoir de quelle couleur je voulais que fût tendu le salon. Ma mère s'est mêlée de la conversation et m'a pressé aussi. J'ai d'abord eu envie d'imiter la princesse du comte de Podane, qui demandait à son beau-père amoureux d'elle une robe de la couleur du soleil, et d'imposer à M. Éloi des prouesses qui puissent empêcher ou du moins retarder mon mariage. Mais j'ai fini par dire que j'avais vu dans le temps, à Genève, un salon qui m'avait paru ravissant, que je ne me rappelais pas bien comment il était, mais que j'écrirais à l'amie chez laquelle je l'avais vu. C'est sous ce prétexte que j'ai en ce moment la liberté de m'entretenir avec vous. Plaisanterie à part, je vois, avec une sorte d'effroi, qu'il me faudra bientôt me prononcer hautement contre ce mariage. Mais quoi que je voie d'ici tout ce que j'aurai à essuyer de reproches, de bouderies, de persécutions, je ne céderai pas, et je me conserverai pour mon bien-aimé. Adressez vos lettres à Mademoiselle Elisabeth, chez M. Gautreau. Fanny. Eugène Milbert à Fanny Gautreau. Votre lettre est arrivée bien à propos, mon cher ange. J'étais dans un jour d'abattement et de morne tristesse. Depuis que je vous ai quitté, rien ne me réussit. Il semble que dans la vie que je mène, je suis en proie à un de ces rêves où, en face d'un ennemi, le cœur plein de colère, on se sent les bras mous, languissants et sans force, et l'on porte ses coups inertes avec une épée qui prend tout à coup la légèreté d'une plume. Mais à la seule vue de ces caractères tracés par votre main, je me suis senti fort et déterminé, comme quand j'étais à Montreux. Ce papier sur lequel vous écrivez, et que vous renfermez sans doute avec votre linge, a ce doux et vague parfum que l'on respire auprès de vous, et qui semble être votre haleine. Avec ce talisman, j'ai retrouvé tout mon courage, et je vais dès demain faire sans hésiter une démarche qui m'était désagréable. On dit que le sentier de la vertu est étroit, et il semblerait que je veuille arriver au bonheur par une grande route pavée et bordée d'ormes. Je ne me laisserai plus donner par vous l'exemple de la résolution. J'ai ri de votre idée de prendre mon oncle Éloi au mot dans ses airs d'Amadis et de le mettre à l'épreuve. S'il vous faut répondre relativement au salon de votre ami, il y a dans Rabelais trois lignes qui peuvent venir à votre secours. Les voici. Dont, par juste perspétissue, y soit une couleur innommée qui réjouit merveilleusement les yeux des spectateurs. Demandez à mon oncle une tenture précisément de cette couleur. Cela nous donnera tout le temps dont nous avons besoin. Écrivez-moi, mon cher ange, aussi souvent que vous le pourrez, et répétez-moi sans cesse que, quoi qu'il arrive, vous vous garderez pour moi, non pas que je doute de vous un seul instant. Ah, pourquoi vous mentir? Pourquoi vous cacher ce que je souffre, quand vous seul possédez le secret de ma guérison? Hélas, je ne suis pas un moment sans penser à tout ce que l'on me prend de vous, et puis j'énumère les efforts que l'on fera pour vous décider. Vous êtes préparé contre la colère et les menaces, et qui sait combien de temps, combien d'années encore il s'écoulera avant que je puisse revenir dire à votre père « J'aime votre fille, et je puis lui offrir une situation honorable. » Et si je ne réussis pas, dois-je vous condamner à passer ainsi votre vie à m'attendre, vous qui avez tant de bonheur à donner et qui avez le droit d'en attendre tant ? On vient me chercher de la part de M. Saunders, auquel mon oncle m'avait recommandé. Je comptais aller le voir demain, quoiqu'il m'ait reçu plus que froidement lors d'une première visite. Je ferme ma lettre. L'entretien qu'il me demande ne peut avoir rapport qu'à nos affaires, qu'à une place pour moi. Je cours chez lui. Adieu, mon ange. Je suis sûr que je sais quand vous pensez à moi. Il doit, à ces moments-là, m'arriver quelque chose d'heureux. Eugène.